Quant à la diablesse, je mentirais si je n'avouais pas qu'à première vue, je lui trouvais un bizarre charme. Pour définir ce charme, je ne saurais le comparer à rien de mieux qu'à celle des très belles femmes sur le retour qui cependant ne vieillissent plus et dont la beauté garde la magie pénétrante des ruines. Elle avait l'air à la fois impérieux et dégingandé, et ses yeux, quoique battus, contenaient une force fascinatrice. Ce qui me frappa le plus, ce fut le mystère de sa voix, dans laquelle je retrouvais le souvenir des contraltis les plus délicieux, et aussi un peu de l'enrouement des gosiers incessamment lavés par l'eau-de-vie. « Veux-tu connaître ma puissance ?» dit la fausse déesse, avec sa voix charmante et paradoxale. « Écoute !» Et elle emboucha alors une gigantesque trompette, enrubannée comme un briqueton des titres de tous les journaux de l'univers. Et à travers cette trompette, elle cria mon nom, qui roula ainsi, à travers l'espace, avec le bruit de 100 000 tonnerres, et me revint, répercuté par l'écho de la plus lointaine planète. « Diable !» fis-je, à moitié subjugué. « Voilà qui est précieux !» Mais, en examinant plus attentivement la séduisante Virago, il me sembla vaguement que je la reconnaissais pour l'avoir vue, trinquant avec quelques drôles de ma connaissance, et le son rauque du cuivre apporta, à mes oreilles, je ne sais quel souvenir d'une trompette prostituée. Aussi, je répondis, avec tout mon dédain, « Va-t'en, je ne suis pas fait pour épouser la maîtresse de certains que je ne veux pas nommer. » Certes, d'une si courageuse abnégation, j'avais le droit d'être fier. Mais malheureusement, je me réveillai, et toute force m'abandonna. « En vérité, me dis-je, il fallait que je fusse bien lourdement assoupi pour montrer de tels scrupules. Ah, s'ils pouvaient revenir pendant que je suis éveillé, je ne ferais pas tant le délicat. » Et je les invoquai, à voix haute voix, les suppliant de me pardonner, leur offrant de me déshonorer aussi souvent qu'il le faudrait, pour mériter leur faveur. Mais je les avais sans doute fortement offensés, car ils ne sont jamais revenus.